13th of February, year 2015. So, the second day of our retreat. Yesterday, we are talking about how to meditate in sitting posture, standing, and walking meditation. And all daily activities, whatever we are doing. Donc nous sommes aujourd'hui le 13 février 2015, c'est le deuxième jour de notre retraite. Hier, nous avons vu comment il faut pratiquer Vipassana en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Nous devons donc pratiquer de ces trois façons. Pour réussir à comprendre, il faudra noter sans interruption, être toujours attentif à tous les mouvements que nous serons amenés à faire tout au long de la journée. C'est de cette façon que nous allons réussir à développer l'attention et la concentration. Ces deux facteurs vont eux-mêmes amener la compréhension. Autrement dit, nous allons comprendre en quoi consiste notre vie. Nous devons bien comprendre pourquoi nous méditons. Le but de notre effort doit être très clair. Ici, nous pratiquons donc la méditation Vipassana et nous le faisons dans le but de nous comprendre nous-mêmes. Il y a parfois des méditants qui pratiquent Vipassana dans le but d'atteindre la paix, le bonheur, la tranquillité. Mais ceci est très facile. Par contre, s'ils le font pour développer la compréhension, la sagesse, c'est beaucoup plus difficile. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est essentiellement une pratique qui va nous permettre de comprendre en quoi consiste réellement notre vie. Le bouddhisme, c'est le Dhamma. Le Dhamma, c'est l'enseignement du Bouddha. Nous prenons refuge dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. Mais le Bouddha est mort il y a plus de 2500 ans, et c'est donc le Dhamma que nous allons pratiquer, son enseignement. Si nous pratiquons le Dhamma, nous allons élever la qualité de notre vie. Pratiquer le Dhamma, ce n'est pas prier, ce n'est pas demander quelque chose. Vous devrez écouter l'enseignement, le Dhamma. Et ce Dhamma se résume dans est appelé le canon Pali. Ce canon Pali, c'est donc l'ensemble des écritures Pali qui comprend trois parties, le Vinaya, c'est le code de discipline, les Suttas, ce sont les sermons, et l'Abhidhamma, ce sont les enseignements supérieurs. Ce canon Pali comporte donc un très grand nombre de volumes, de livres. Mais il ne faut pas obligatoirement étudier tous ces livres, toute cette théorie. Le plus important, c'est de pratiquer. Hier, vous avez reçu les instructions de base pour la pratique. Le Dhamma, ce n'est pas penser, ce n'est pas réfléchir, ce n'est pas étudier la théorie. Le Bouddha était un être humain, comme vous et moi. Il a lui aussi pratiqué. Et il a réussi à comprendre. Cette compréhension ou sagesse l'a amené à la libération de la souffrance. L'enseignement du Bouddha comporte donc trois parties, le Vinaya, les Suttas et l'Abhidhamma. Le Vinaya, c'est Sila, la moralité. Les Suttas, c'est Samadhi, la concentration. Et l'Abhidhamma, c'est la sagesse, la compréhension. Sila, Samadhi et Panya constituent donc ce Dhamma que nous allons pratiquer. C'est l'enseignement du Bouddha. En résumé, il faudra donc que nous nous efforcions de comprendre et nous allons y arriver en écoutant les enseignements sur le Dhamma et en pratiquant la méditation. Si vous développez la compréhension de ces deux façons, votre esprit va rester fixé sur l'objet de plus en plus longtemps et votre compréhension du corps et de l'esprit va se développer. On commence donc par prendre les 9 préceptes. Les neuf préceptes, c'est Sila, la discipline ou moralité. Nous engageons à nous abstenir de tuer, de voler, de nous méconduire sexuellement, de mentir, de prendre des intoxicants. Nous nous abstenons de nourriture solide l'après-midi, de divertissement, de nous complaire dans le luxe et nous gardons l'esprit bienveillant pendant toute la journée. Si nous pratiquons ces neuf préceptes et que nous les maintenons purs, notre esprit va progressivement se calmer. Les personnes qui respectent les préceptes moraux sont en général très calmes parce qu'ils n'ont pas de regrets, pas de remords. Ils sont heureux. Nous avons donc vu la base, ce sont les préceptes moraux. Ensuite, il faudra développer la deuxième section, la concentration. Pour développer la concentration, il faudra fournir un effort et être attentif. Les yogis, ici, s'entraînent à maintenir leur esprit fixé sur l'objet, sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. La base, donc, de cette section, c'est l'attention. Si on est attentif, sans interruption, l'esprit sera maintenu sur l'objet. Mais par contre, si nous ne sommes pas attentifs, que nous oublions l'objet, l'esprit va s'envoler, va se mettre à penser. Hier, je vous ai expliqué que l'esprit a toujours besoin d'un objet. Il est toujours en quête d'un objet. Il faut donc que nous lui offrions un objet approprié. La concentration est basée sur Sila, la moralité. Nous devons contrôler nos actes et nos paroles. C'est de cette façon que nous allons réussir à purifier notre esprit. Nous devrons faire un effort pour être constamment attentifs, de façon à réussir à contrôler cet esprit sauvage. Au début, c'est très difficile parce que l'esprit est habitué à vagabonder librement. Il aime vagabonder librement. Mais nous devrons réussir à le dompter. Dans les Écritures, on illustre ceci par l'image du poisson. Le poisson se plaît dans l'eau. Dans l'eau, il est très difficile à attraper. Il est très vif, très rapide. Par contre, si on réussit à le sortir de l'eau, ce poisson, qui était très habile, très rapide sous l'eau, sera beaucoup plus facile à attraper. Mais il faudra que le pêcheur fasse attention à ce que le poisson ne retourne pas dans l'eau, parce que si le poisson retourne dans l'eau, il sera de nouveau très difficile à attraper. S'il réussit à le maintenir sur la terre, ce poisson va progressivement se calmer et finalement, il sera utilisable par le pêcheur. C'est la même chose avec notre esprit. L'esprit n'aime pas rester fixé sur un seul objet. Il aime vagabonder. Il se plaît, il se complaît dans les impuretés mentales, que sont par exemple l'agitation, la somnolence, l'illusion. L'esprit aime se trouver dans ces impuretés mentales. Mais ici, nous nous entraînons à le ramener constamment sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais l'esprit n'aime pas rester sur ces deux mouvements. Nous devrons donc faire très attention, fournir un gros effort pour être vigilants et attentifs sans interruption, pour maintenir cet esprit sur l'objet. Si nous fournissons cet effort, progressivement, l'esprit sera contrôlé. Il restera dans l'instant présent. Un esprit qui reste dans l'instant présent est libre de la souffrance. Il est très important de réussir à contrôler son esprit. Car si on n'y arrive pas, si on ne contrôle pas l'esprit, nous ne pourrons pas détenir la puissance, le pouvoir, l'énergie. L'énergie doit toujours être contrôlée. Toutes les formes d'énergie doivent être contrôlées pour devenir productives et utiles. Il y a l'énergie matérielle, il y a l'énergie électrique, il y a l'énergie spirituelle. L'énergie matérielle, nous en avons tous besoin pour vivre. C'est une évidence. L'énergie de l'argent, nous en avons également besoin pour vivre. Mais ces deux premières formes d'énergie peuvent s'obtenir par quelqu'un d'autre. Elles ne doivent pas nécessairement être développées par soi-même. Nous pouvons l'emprunter, par exemple. Par contre, la troisième forme d'énergie, l'énergie spirituelle, l'énergie de l'esprit, ne peut pas être empruntée. Il faut que nous la développions par nous-mêmes. Et cette troisième forme d'énergie, l'énergie spirituelle, est très importante, car si elle fait défaut, nous serons constamment agités. Nous devrons donc faire un effort pour développer cette troisième forme d'énergie, l'énergie de l'esprit. Si nous réussissons à développer cette forme d'énergie, nous pourrons élever la qualité de notre vie. Donc, cette troisième forme d'énergie, l'énergie spirituelle, est tout particulièrement importante parce que dans la vie, tout ce qui est important devra être fait par nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres qui vont le faire à notre place. Il est donc crucial que nous développions cette puissance de l'esprit, cette énergie spirituelle. Il faudra également comprendre que pour la développer, il faudra le faire au bon moment et régulièrement. Au bon moment, cela veut dire qu'il faudra pratiquer la méditation avant d'être malade, avant d'être vieux. Et il faudra le faire régulièrement. Si nous développons ainsi cette énergie spirituelle, notre esprit va petit à petit devenir contrôlé et ceci va nous amener de très grands bénéfices. Il y a 5 sortes d'énergie mentale qu'il faudra développer. La première, c'est la confiance, la foi. Cette confiance porte non seulement sur le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, mais également sur soi-même. Si nous avons confiance, nous fournirons un effort. Par contre, si nous n'avons pas confiance, nous ne fournirons aucun effort. La deuxième force à cultiver, c'est précisément l'effort. La troisième force, c'est l'attention, le fait de voir clairement les objets. La quatrième force, c'est la concentration. Si nous voyons clairement les objets, notre esprit va se maintenir sur cet objet et la concentration va se développer. Nous voyons alors très clairement l'objet. Si l'esprit se maintient sur l'objet, si la concentration est présente, la cinquième force, la compréhension, va se manifester d'elle-même. Ces 5 forces, une fois développées, vont nous permettre d'atteindre la cessation de la souffrance dans la vie. C'est le but de Vipassana. Si nous développons la compréhension, cela va élever notre vie. Quelqu'un qui a pratiqué Vipassana avec succès va réussir à développer cette compréhension et il ne sera plus tout à fait comme les êtres humains ordinaires, parce que la qualité de son esprit s'est nettement développé par rapport aux êtres ordinaires. La vie, c'est en fait le fonctionnement du corps et de l'esprit. Le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Si le corps est séparé de l'esprit, c'est la mort. Un mort n'a plus d'esprit, il n'a qu'un corps. La signification de la vie, c'est donc le fonctionnement, l'interaction entre le corps et l'esprit. Donc, la vie, c'est l'interaction entre le corps et l'esprit, c'est l'ensemble corps-esprit. Et ceci n'est pas seulement vrai pour les humains, c'est vrai également pour les animaux. Les chiens, par exemple, ont aussi un corps et un esprit. Quelle est la différence entre un être humain et un animal? Tous les deux ont un corps et un esprit. Après la mort, le corps de l'animal sera mangé par les humains. Si c'est un animal qui meurt, Si c'est un humain qui meurt, il sera mangé par les animaux. On voit donc que tout cela n'est pas très différent. Le corps d'un animal n'est pas très différent du corps d'un humain. En Birmanie, il y a des villages qui ont été construits sur l'eau, sur un lac. Et les habitants de ce village n'ont donc pas de terre. Et lorsqu'il y a un décès chez eux, ils attachent le cadavre à une grosse pierre qu'ils lancent dans l'eau. Et ce cadavre est mangé par les poissons. On voit donc que le cadavre d'un humain est mangé par les animaux, tout comme le cadavre des animaux est mangé par les humains. Il n'y a donc pas beaucoup de différence entre un cadavre humain et un cadavre animal. Ce qui les différencie, c'est l'esprit. L'esprit d'un animal est très différent de l'esprit d'un être humain. Un animal ne connaît que trois choses, manger, dormir et s'accoupler. Alors que les humains ont un esprit beaucoup plus sophistiqué. Un humain est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Son esprit est beaucoup plus développé, beaucoup plus complexe. Même si on peut réussir à dresser un animal, comme un chien par exemple, l'esprit humain n'en reste pas moins beaucoup plus complexe. Les animaux ne diffèrent des humains que par l'esprit. Les êtres humains, eux-mêmes, se différencient également par l'esprit. Vous qui êtes ici, vous êtes des méditants et vous vous entraînez à développer votre esprit. Si on ne réussit pas à contrôler son esprit, à le développer, on restera un être humain normal. Un être humain normal, c'est quelqu'un qui est très souvent agité, il est insouciant. Par contre, si on réussit à développer son esprit par la concentration et par l'attention, on deviendra un être humain supérieur. Le but de Vipassana, c'est précisément d'élever sa vie, de devenir une personne meilleure, une personne noble et éventuellement une personne tout à fait noble, un arhat. Demain, je vous expliquerai comment il faut procéder pour progresser ainsi et développer son esprit jusqu'à devenir un être noble par excellence. Puissiez-vous tous être capables de fournir un gros effort, d'élever votre esprit de façon à devenir progressivement des bonnes personnes et des personnes nobles. So may you all be able to try very hard and reach to the until noble state of our mind. Sadhu, sadhu.